Sous les branches, la nuit s'éveille. Chaque mot tombe, chaque souffle s'en mêle. Ray de ce qu'il murmure, son nom s'élève. Les viewers écoutent, le temps s'achève. Ton nom caresse la lumière. Chaque fraise brille, chaque souffle éclaire. Ton souffle pèse comme vent d'été. Chaque mot Obsession règne, fièvre.